Les extraterrestres, un de deux. Avertissement, par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement, je ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute! Il existe un peu partout dans l'univers des êtres vivants. Et il y a des extraterrestres, donc des êtres de nature physique sur le plan matériel. Il y en a d'autres aussi qui ne sont pas nécessairement sur le plan matériel, mais vibratoires, qui viennent visiter la Terre depuis des temps immémoriaux. Et éventuellement, les gens de l'humanité actuelle vont être appelés à entrer en contact d'une manière publique, d'une manière ouverte, d'une manière transparente avec des êtres de nature extraterrestre. Donc, éventuellement, il y aura un premier contact officiel qui va se faire au grand jour entre les résidents de la Terre et les êtres de nature extraterrestre. Et en vue de cette préparation à ce contact, eh bien, il y a de plus en plus de découvertes scientifiques qui sont présentées aux gens de la population actuelle, comme par exemple l'existence d'exoplanètes, donc de planètes extérieures au système solaire qui pourraient abriter la vie. Et puis, au fil du temps, les scientifiques, en découvrant plusieurs, nous laisse entrevoir qu'il est plausible de penser qu'il y aurait de la vie ailleurs que sur la Terre. Et simultanément, au fil des décennies, il y a une grande quantité de films de science-fiction qui sont présentés avec des civilisations extraterrestres qui sont évoquées. Même chose pour le domaine du roman, de l'écrit. Donc, tranquillement, il y a des idées qui servent à préparer les gens à l'éventuel premier contact avec les extraterrestres qui sont mis en branle dans les esprits des masses en vue de cette préparation officielle. Et puis, il y a déjà des gens sur Terre qui vivent des contacts avec les extraterrestres parce qu'il y en a certains qui ont été victimes d'enlèvement de la part d'extraterrestres. Il y en a d'autres qui ont eu des conversations au niveau du mental avec eux, c'est-à-dire des conversations de nature télépathique. Et éventuellement, tous ces contacts avec les extraterrestres vont se faire d'une manière de plus en plus ouverte. Et éventuellement, ça sera au grand jour à la face de l'ensemble de l'humanité. Pour ce qui est des individus qui se conscientisent, eh bien, les gens qui vivent la fusion avec leur esprit doivent réaliser qu'à quelque part, leur esprit n'est pas de nature terrestre. Parce que la contrepartie cosmique de l'être humain, c'est une énergie qui a une autonomie de fonctionnement et qui a projeté une partie d'elle-même, c'est-à-dire l'âme, dans la matière, pour s'incarner à travers un corps physique qui provient de la Terre. Mais l'esprit en tant que tel est de nature cosmique, c'est-à-dire qu'il ne se rattache pas nécessairement à une planète spécifique, mais qu'il est un être qui peut voyager dans le cosmos. Donc, dans un certain sens, l'esprit que vous avez, eh bien, il est de nature extraterrestre, dans le sens qu'il n'a pas pris racine sur Terre comme le corps physique que vous habitez en tant qu'âme. Parce que la partie de vous à laquelle je m'adresse présentement, ben c'est l'âme. Donc, quand vous réalisez ça, eh bien, à ce moment-là, ça vous permet de réaliser qu'à quelque part, il y a une partie de vous qui n'est pas nécessairement terrestre. Et c'est en intégrant la vibration qui provient de votre esprit, pour ceux qui sont appelés à vivre le phénomène de la fusion, donc ceux et celles qui sont appelés à vivre ce processus-là, qu'une conscience de nature cosmique va prendre naissance en vous. Et lorsque cette intelligence-là s'intègre à travers vous, eh bien, vous développez une capacité de lecture vibratoire qui, éventuellement, va vous permettre de communiquer avec des êtres qui proviennent d'un peu partout du cosmos sans vous laisser déstabiliser par eux, parce que cette intelligence-là vibratoire qui, lorsqu'elle s'intègre, eh bien, elle vous permet de faire une lecture vibratoire des êtres qui peuvent provenir d'un peu partout, dans le sens que vous pouvez les percevoir sur le plan physique, mais vous pouvez communiquer avec eux d'une manière télépathique et au niveau psychique grâce à cette conscience-là également. Donc, autrement dit, en étant capable d'utiliser la communication vibratoire, qui est un langage de nature universelle, vous êtes en mesure d'aller au-delà de la barrière de la langue. La barrière de la langue, c'est ce qu'on connaît sur Terre, entre autres, entre quelqu'un, par exemple, qui parle en français, un autre qui parle en chinois, un autre qui parle en anglais. Donc, la langue, c'est ce qui véhicule des informations au niveau de la forme. Mais lorsque la personne est capable de traiter directement avec la vibration qui est derrière la forme, eh bien, à ce moment-là, elle n'a pas besoin de passer par l'intermédiaire d'une forme pour communiquer avec un autre être qui a une capacité également de lecture vibratoire parce qu'il peut s'adresser directement à lui sans utiliser des mots sur le plan matériel, sur le plan du langage parlé pour lui acheminer une idée ou une information. Donc, ça devient télépathique. Et éventuellement, l'être humain qui est en fusion avec son esprit vit une communication télépathique avec lui, mais il peut vivre également une communication télépathique avec des êtres aussi qui proviennent du cosmos. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les dernières années, l'être humain a eu à intégrer la technologie d'Internet qui lui a permis de faire un bond dans le développement d'une conscience de nature planétaire. C'est-à-dire que autrefois, les gens vivaient en tribu. Un petit peu plus tard, les gens vivaient en village, donc un petit peu plus d'habitants qui sont en contact les uns avec les autres, ensuite en ville. Et éventuellement, cette extension-là de conscience est devenue planétaire à l'ère d'Internet, en ce sens que l'outil d'Internet permet d'être en communication avec des gens qui sont un petit peu partout sur Terre. Donc, quelqu'un, par exemple, au Québec peut communiquer en utilisant l'Internet comme interface avec quelqu'un qui est situé en Algérie, en France, aux États-Unis, peu importe, alors qu'autrefois, si on pense entre autres à la période du Moyen Âge, il y a à peine quelques siècles, eh bien c'était impossible, c'était impensable. Donc on est capable de faire aujourd'hui des choses qui étaient impensables dans le passé, au même titre que demain, on va être en mesure de faire des choses qui sont à peine imaginables aujourd'hui. En ce sens que l'être humain, grâce à l'outil d'Internet, il est au courant de ce qui se passe un petit peu partout sur Terre. Donc, si on apprend qu'il y a une guerre dans un pays, eh bien, on a de l'information sur Internet qui s'y rapporte. On peut voir des vidéos, on peut même échanger par courriel avec des gens qui sont concernés par l'événement. Donc, Internet donne accès à une conscience planétaire. Et éventuellement, suite au premier contact de l'humanité présente avec des extraterrestres, eh bien, il y aura une mise en relation de l'humanité en réseau avec l'Internet intergalactique qu'ont les civilisations extraterrestres. C'est-à-dire que, au même titre que, par exemple, un individu est en contact avec d'autres personnes grâce au réseau Internet sur la Terre, eh bien, éventuellement, dans l'avenir, l'être humain avec les extraterrestres pourrait accéder à une technologie qui pourrait les mettre en relation avec un réseau beaucoup plus vaste en information, en ce sens qu'un individu sur Terre pourrait communiquer avec un autre être qui se situe sur une autre planète, en dehors de notre système solaire, et échanger avec cette personne-là de l'information. Et puis, cette technologie-là d'Internet avec les extraterrestres va permettre d'avoir un réseau qui va donner accès à des informations qui proviennent à d'autres civilisations, au même titre que l'Internet qu'on connaît présentement au niveau planétaire nous donne accès à des informations provenant de différentes cultures. On peut avoir accès à des informations qui proviennent de cultures orientales, occidentales. On peut avoir des gens aussi qui proviennent de différentes religions, donc qui peuvent interagir avec eux, donc différentes politiques aussi, différents modes de pensée. Et ça, la même chose avec éventuellement la mise en relation de l'humanité présente avec le réseau psychique de l'ensemble des humanités au niveau cosmique qui va donner à l'humanité actuelle, grâce à cette mise en relation, accès à beaucoup d'informations.